Que quel droit d'arbitrer les reflets de ma bière. Je fais ce que je voulais, je suis client et fier. Jamais je t'ai emmerdé sur quelle manière de faire. Alors laisse-moi t'émerder, je connais mon affaire. Car je vois pour t'oublier, sale déchet judiciaire. Tu ferais le droit pour ta billet, pour le peu qu'il te sert. Je fais peur avec mes deux, mais quand je vais au charbon. Pas t'es encore dans ton paddock, activez ton bourbon. Sociote! Un coup de hautard, je suis appuyé. Sur mon coude à pousser, une vraie araignée. L'hirondelle sur mon cou, c'est pour la liberté. Alors je te donne un conseil, essaie d'oublier. Après 8 heures de chantier, fais soif en cette saison. Je prends un autre chantier que celui de la maison. Toi qui te couches à l'heure de vous, va donc te mettre au vert. Si tu veux pas un coucou, laisse-moi finir mon verre. Un coup de hautbard, je suis appuyé. Sur mon coude à pousser, une toile d'araignée. L'hirondelle sur mon cou, c'est pour ma liberté. Alors je te donne un conseil, essaie d'oublier. Un coup de hautbard, je suis appuyé. Sur mon cou, à pousser, une toile d'araignée. Il rendait sur mon cou, c'est pour ma liberté. Alors je te donne un conseil, il faut t'oublier.